2, 1, 2, 3, 4. Boum boum. Boum boum. Musique française, curieuse. Tous les mercredis, de 22h à 23h, sur Prune 92 FM. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune. Ce soir, nous avons le plaisir d'inviter Maybe Tonight, un collectif de 4 DJ de Paris que l'on connaît notamment pour leur chaîne YouTube incroyable ainsi que pour leur mix venu d'une autre planète. Maybe Tonight, nous avons la chance de les inviter vendredi au rond-point dès 22h, prix libre pour le retour des soirées Boom Bomo. Je serai évidemment à leur côté pour ce mix. On prolongera la fête samedi de 20h à minuit sur Radio DY10 pour 4 heures de mix et d'interview, en prélude, en introduction, en apéritif à ce magnifique week-end qui nous attend avec Maybe Tonight. Nous les invitons donc ce soir dans l'émission avec une sélection à la hauteur de leur réputation, très électronique, très lent, très sombre, très sensuel et délicieusement tordu, avec des vocaux en français dans tous les sens, un mix hypnotisant. Ils viennent d'une autre planète, je vous dis. Maybe Tonight dans Boom Bomo. C'est de ce soir sur Prune, vendredi 22h au rond-point et samedi 20h sur Radio DY10. Bonne écoute. Thank you. qui vous êtes. Encore, encore, droit devant. Si vous ne savez plus si c'est nuit, si c'est jour. Encore, encore, droit devant. We'll be right back. aidez-moi à voir d'autres qualités qu'être ou avoir. Je ne fais que voir le monde défile, la lumière projette tous mes rêves et vous êtes dans ces rayons. Depuis que le monde est monde, ça tourne, derviche, illusion, les yeux ont de la mémoire. Ta terre à toi, histoire de terre, bien au-delà, l'univers. Le vol calme et transparent du papillon éphémère bouleverse l'atmosphère, déplacement d'air. Thank you. Thank you.

Encore une fois, je suis venue sur ce recoin de terre, en surplomb de la vallée, qui aurait pu appartenir à n'importe quelle contrée du monde. Et j'ai regardé le ciel. Pas un nuage. La saison vient de changer, déjà le sang est monté aux arbres, et les feuilles frémissent doucement de surprise. Un parfum de bois brûlé est venu se mêler à celui de la terre humide. J'ai fermé les yeux. Une petite patte coussinée s'est posée sur ma joue comme pour me dire « Hey, toi aussi tu as vu, » dit Shine Fliege. Je ne sais pas si c'est le chat ou le râle du soleil couchant sur la nature, mais j'ai pleuré. Pleuré ce point infime, cette fragile seconde où tout se rejoint et s'accomplit. Partir maintenant ? Ich weinte, die Freude, dit Dahavar. Tout peut s'arrêter ou commencer. Moi, je suis prête. Du? Bist du bereit? Come on, everybody. On y va. Now, subito. Climb to the top of the tree. How much do you see? Is that where your place be? Leave it right, it's alright. Maybe we all get some supper tonight. Thank you. se redire les plus sordides dont les miraculeux fait surgir plus d'emportiques fabuleux. Dans l'or de sa vapeur rouge comme un soleil couchant dans un ciné nébuleux. De ta salle qui mord, qui plonge dans l'oubli, mon âme, sans remords. Échorions le vertige. La roue du filon, au rive de la mort.